Portrait d'assaut sur Fadjet. Découverte aujourd'hui du groupement européen des ferrovipates en Lorraine. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Jean-François Maude. Bonjour. Bonjour. Alors, ferrovipate, qu'est-ce que ça veut dire ? Ferro, ça veut dire ferroviaire. Et pate, ben, il y a deux formules. Il y a la formule, on va dire, méchante, fou du train. Ou la deuxième formule, c'est les passionnés de train en général, que ce soit petit ou gros, c'est-à-dire maquettistes ou les trains qui roulent tous les jours dans notre pays. Alors comment est venue cette passion ? Quand je suis devenu orphelin à 11 ans, ma famille d'accueil était cheminot à Jarville. Mon parrain était au dépôt de chemin de fer de Haycourt, puis j'habitais dans la cité SNCF de Jarville, donc je voyais les trains passer tous les jours, très souvent, puisqu'il y avait un trafic qui était beaucoup plus important que maintenant. Vous avez grandi entouré de cet univers-là, et vous en avez fait votre métier ? Non, hélas, parce que mon parrain, il n'a jamais voulu que ses enfants rentrent au chemin de fer. Parce qu'il disait qu'on n'apprenait pas un métier au chemin de fer. J'ai pas pu, donc je suis parti dans l'automobile pour finir que je suis rentré à l'hôpital en 1991. Cette passion quand même autour de l'univers des trains, elle est toujours présente et vous la faites vivre aujourd'hui avec donc ce groupement européen des ferrovipates voilà. En Lorraine. Comment ça se traduit aujourd'hui cette passion ? Avant 2018, cette passion elle était dans mon garage, c'était mon antidépresseur. Bon, c'est ma maquette qui est toujours présente dans mon garage. Ma voiture ne rentrait pas dans le garage puisque j'étais hospitalier. J'avais des heures pas possibles. J'en avais marre d'ouvrir et de fermer la porte. Donc, GEF est né officiellement en 2018 parce que j'avais participé à un débat sur l'ouverture de la concurrence du chemin de fer à Metz. Et l'orateur de ce rapport, Mathieu Ferraud, c'est lui qui m'a proposé de créer le GEF. Je lui ai demandé pourquoi européen. Il m'a dit, ben écoute, je suis espagnol. La banque est européenne, luxembourgeoise, on a des français et les fonds, il y a des Allemands. Donc on peut faire un groupement européen. Donc le GEF est né en 2018, sous l'impulsion également du maire de Barangéville de l'époque, qui était René Bourgeois à l'époque, qui est décédé aujourd'hui. René m'a proposé une adresse au prioré à Barangéville, qu'on a quitté au moment du Covid. Puisque tout était fermé et tout, on est allé dans un vieil entrepôt à Laxou pour finir, il y a 3 ans, à Jarville, à la maison des associations, rue François Évrard. Aujourd'hui, voilà. Vous êtes à Jarville, alors qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On peut voir des choses ? Ah oui, là, pour la petite histoire, on est dans les appartements des instituteurs, dans l'école où je suis allé quand je suis arrivé à Jarville, au début des années 66. Nous sommes installés dans 3 pièces. On a une maquette de 3 mètres sur 2 mètres qui est installée dans le salon salle à manger. On a un bureau dans une chambre, on a une bibliothèque, on a un petit coin, la salle de bain a été transformée en bar à café, si vous voulez. Oui, oui. Bon, et dans la cuisine, il y a 3 associations qui sont installées, qui ont leurs affaires. Nous, on est les seuls, les manuels, à être dans l'appartement-là. Autrement, dans la maison des associations, il y a plusieurs associations, il y a un maquettiste de bateau. Il y a des sculptures sur bois et il y a une association de papy-mamie qui jouent aux cartes, qui font du tricot. D'accord. Voilà, ça, c'est les 4 associations qui sont là régulièrement. Le public peut venir voir alors, cette installation public, alors, de quelle manière ? Le problème qu'on a, c'est que officiellement, c'est pas accessible au public. D'accord. Mais si je vous invite, vous n'êtes plus public. Donc là, c'est à Jarville. Donc cette passion, voilà, bon, ça prend de la place, effectivement, voilà. Et ça évolue, je suppose, voilà. Vous y apportez des modifications. Là, nous avons une maquette intéressante, parce que dans cette maquette-là, il y a toutes les activités. L'électricien, le décorateur, et les gens qui font des photos et tout ça autour de cette maquette. Cette maquette, elle est terminée aujourd'hui, elle est en finition au niveau électrique. Il reste quelques lampadaires à mettre en route. Quand on a eu un problème, quand on est arrivé, il a fallu la couper en deux. Ah bon ? Donc, il a fallu refaire tout ça. Donc là, cette maquette est opérationnelle. On a tous les mercredis les ateliers où on vient bricoler parce qu'on a plusieurs maquettes en route. On en a une qui est en finition pour faire les expositions. oui. Notamment la colle à Gentilly le 15 et le 16 mars. Oui, on va y revenir après, oui. Et on a une autre maquette, puisqu'on est dans le développement de la ligne 14, Nancy-Vittel contre Aix-et-Ville. D'accord. Donc là, on est en train de fabriquer une maquette avec les gares, les différentes gares sur la ligne. On va présenter ça dans les différentes mairies quand les travaux vont commencer. C'est-à-dire la ligne va rouvrir en 2027 et les travaux vont commencer fin 2025. Donc un beau projet qui se construit de semaine voilà. en semaine. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui sont un peu maquettistes dans leur coin ou qui sont intéressés par ce monde-là, ils peuvent rejoindre votre association aujourd'hui ? Absolument, absolument, absolument. J'ai eu un joli article sur le MAC de l'Est Républicain. Ça nous a amené deux membres intéressants, puisque j'ai Philippe, le dernier arrivé, qui est un maquettiste intéressant, puisqu'il manipule le numérique. Bien sûr. Il y a plusieurs activités dans le truc électrique. Donc, oui, absolument. On peut, de tout âge, même peut-être pas trop des gamins, parce que c'est du matériel qui est fragile, mais les gamins ne sont pas intéressés. La tranche d'âge, c'est plutôt après 50 ans. Il y aura une occasion, vous l'avez un tout petit peu évoqué, de découvrir un peu tout ça et aussi d'autres collections, parce que ça va être le salon des collectionneurs qui va avoir lieu mi-mars, les 15 et 16 mars, c'est à la salle des fêtes Gentilly. Donc vous y serez, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur place alors? Alors là, on va pouvoir y voir notre réalisation, la maquette de présentation, qui est pas très grande, hein, il faut pouvoir la déplacer facilement. Alors comment vous dites pas très grande, c'est quand même... Elle fait 1m10 sur 1m. Le train fonctionne pas, hein, c'est pour des expositions où on peut laisser la maquette quelque part. C'est-à-dire que les gens, elle est sous verre, les gens peuvent pas toucher. Là, mais on a une maquette en 4 éléments, qui là, le train va fonctionner. Ça sera pour faire des expositions, on va dire, bien précises, dans les endroits ferroviaires, où les maquettes fonctionnent. Et on a en ce moment, là, on est en train de faire la maquette pour la ligne 14, Nancy-Vittel, qui va être exposée dans différentes mairies le long de la ligne. Même d'autres lieux aujourd'hui peuvent vous contacter pour vous proposer de venir exposer? Absolument. Comment ça se passe justement, si on veut vous contacter aujourd'hui? Le mieux, c'est mon adresse mail ou alors le téléphone portable de notre secrétariat. Eh bien, on remettra tout ça, bien sûr, sur le site internet à disposition avec le podcast de cet entretien. Vous disiez que les jeunes, aujourd'hui, ne s'y intéressent pas trop, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune pour justement l'inciter à s'intéresser à cet univers du maquettisme, des miniatures et des trains? Ben, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que c'est une activité assez large. S'il n'est pas bricoleur, bon, il y a déjà le bricoleur. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On a Gérard qui est un ancien des Beaux-Arts, qui vous fait avec du polystyrène, il vous fait une maison, il vous fait un château, il vous fait ce que vous voulez. Nous avons même d'ailleurs ça a été dit dans la presse, qu'on a même sur notre maquette un camp nudiste. On fait les petits personnages qui font pas 2 cm de haut. Donc c'est intéressant. Bon, et puis il y a les balades le long des voies ferrées, les photos, les vidéos. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-François Maude. On redonne l'adresse peut-être à Jarville, c'est où? Oui, alors c'est 8 rue François Évrard. Alors, comme on disait, le public n'est pas autorisé à rentrer dans le bâtiment. Mais là, vous venez les mercredis après-midi, la permanence pour le moment est le mercredi après-midi, de 13h30 à 17h, vous montez au deuxième étage, il n'y a pas de problème. Sinon, on vous envoie un petit mail ou un petit coup de téléphone. Voilà. Merci à vous. Eh bien, je vous remercie également de m'avoir reçu et je vous souhaite une bonne journée. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.